Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Sexe et archéologie, comment aborder un tel sujet? On le sait, le microcosme professionnel est régi par une forte endogamie au sein d'un puissant système tribal, mais là n'est pas le sujet. À défaut d'Eros, les archéologues par trop puritains se sont spécialisés dans le thanatos et la thanatologie, de surcroît toujours sur os sec. Pour mettre un peu de chair autour de l'os, pour évoquer dans ce dernier salon noir les plaisirs de la chair, l'archéologie du licencieux et du fascinum, Cyril Dumas, bonjour. Bonjour. Conservateur des musées des Baux-de-Provence, vous venez de publier un petit livre, L'art érotique antique, fantasmes et idées reçues sur la morale romaine aux éditions Bookibook. L'archéologie et l'ancienneté n'y peuvent rien. Évoquer un tel sujet, c'est prendre un risque, celui de troubler la morale publique. Avant vous, Cyril Dumas, plus d'un en ont payé le prix, et quel prix ? Tout à fait. Je dois quand même vous convaincre qu'effectivement, moi aussi, j'ai fait l'objet d'une certaine forme de censure, de la part, bien sûr, de mes collègues, qui trouvaient le sujet bien trop léger pour pouvoir aller chercher dans les réserves des objets cachés car ils avaient, comment dire, une forme d'obscénité beaucoup trop ostentatoire. Et donc, il a fallu prendre de la patience, prendre du temps pour les convaincre d'aller s'enfermer dans les enfers et aller chercher donc ces objets cachés aux yeux du public. Au 19e siècle, un auteur, un imprimeur, un éditeur en paie vraiment le prix? Oui, 1875. Monsieur, vous aurez été condamné à 1 an de prison et 5000 francs d'amende. C'est beaucoup pour l'époque ? Oui, je pense que c'est très lourd. Mais je pense que c'était le reflet d'une, bien sûr, de la censure, mais tout simplement d'une forme exacerbée de la morale. Et chaque génération a poussé ses limites plus ou moins loin de cette forme de censure ou de morale. L'archéologie peut donc choquer, il faut alors penser à ces enduits peints érotiques de Pompéi, longtemps cachés au regard par de petits volets. Oui, c'est fabuleux. Je pense que vous pensez sûrement au priable de la maison des Vétis, fermé derrière des petites persiennes qu'on ouvrait uniquement aux adultes de sexe mâle, accompagnés éventuellement d'un jeune de plus de 14 ans révolu, bien évidemment. Et cela, malheureusement, jusqu'en les années, au moins, je pense, 80. Je les ai vus comme ça, je les ai jamais revus après, d'ailleurs. Ça a changé ? Oui, heureusement, les mentalités évoluent. Il reste toujours, malheureusement, des traditions qui sont attachées à cette expression artistique. Mais, fort heureusement, une bonne partie de cet art est aujourd'hui accessible, sans avoir à présenter ni curriculum vitae, ni, je dirais, procès-verbal, et encore moins son casier judiciaire. Elles sont visibles dans Pompéi ou au musée de Pompéi ? Les deux. Dans Pompéi, nous avons quelques œuvres qui sont sur place, notamment, bien sûr, il y a une panoplie extraordinaire de phallus. Et ensuite, il faut se rendre au musée de Naples, où là, nous avons le sacro-saint, nous avons le cabinet secret, qui conserve les plus belles pièces qui ont été justement, je dirais, sacralisées, car elles expriment cet érotisme, cette forme de pornographie pas assumée, qui permet vraiment de rentrer dans l'intimité de Rome. Aujourd'hui, ce que je vous propose, ce n'est pas de regarder cette forme de pornographie à travers nos yeux, mais à travers ceux des Romains. Ces œuvres étaient-elles censurées à l'époque romaine ? Je ne pense pas. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux thématiques. La première, bien évidemment, ce sont ces phallus, ces sexes masculins, qui sont avant tout l'expression d'un dieu qui est le plus représenté de toute l'Antiquité. C'est Priape, un dieu qu'on exposait à tous, quelle que soit sa catégorie sociale, et qui exprimait bien sûr la fertilité, qui était le garant de la fécondité des hommes, des champs et des vergers. Maintenant, il était tellement populaire, par extension, il est devenu presque un symbole commun. Tout d'abord, Il est devenu, bien sûr, c'était une divinité, puis ensuite il est devenu presque un trèfle à quatre feuilles, un symbole porte-bonheur qui permet de faire fuir le mauvais sort, et du coup on va l'utiliser pour tout, et surtout aux endroits où on va invoquer, bien sûr, la chance. Par exemple, dans le commerce, pas celui du charme. Attention, je parle du commerce maritime, par exemple, ou d'autres, comme par exemple à Pompéi, où on a découvert ces fameux phallus sur la façade, comme la blanchisserie de Pompéi, ou à l'intérieur, comme à la boulangerie. Bref, notre premier sujet n'est ni plus ni moins qu'un phallus en érection, qui est un symbole tout simplement de chance, un symbole religieux qui n'a rien à voir avec l'érotisme, bien évidemment, puisque aux yeux des Romains, c'est le symbole de la vulgarité par excellence. Lorsqu'une Romaine de bonne séance tombait nez à nez avec ce symbole, la première réaction qu'elle devait avoir, c'est bien sûr de rougir. Pourquoi ? Parce qu'elle tombait devant un symbole de grossièreté incarnée. Heureusement, son éducation lui permettait de chasser cette fausse pudeur par un sourire, un rictus, partagé avec les hommes d'ailleurs. Et grâce à ce rictus, cela permettait aussi de ramener un peu de chance, car dans la tradition romaine, le rictus permet de chasser le mauvais sort. Ensuite, cela permettait de renseigner aux gens qui l'observaient qu'elle était au courant, bien sûr, des us et traditions et de la religion, car elle était face à quoi ? À un symbole religieux. Voilà. C'était ni plus ni moins que le symbole de Priape. Donc, il n'y avait pas de quoi se vexer. Cyril Dumas, le déclin et la chute de Rome ne seraient-ils dus à la lubricité de sa société ? Certains l'ont pensé. Tout à fait. Effectivement, cette idée est inspirée par la deuxième thématique de cet art qui met en scène plusieurs personnages. Alors, je vais vous décevoir plusieurs fois, mais en tout cas, la première fois, c'est parce que je vais vous apprendre que malheureusement, les orgies n'existent pas. Non. Les scènes sont alimentées par plusieurs personnages sont malheureusement limitées à trois. Très rarement, on en voit quatre ou cinq, mais c'est dans d'autres circonstances. Revenons à nos trois personnages qui sont souvent mis en œuvre. Généralement, ils expriment une sorte de vaudeville. Hein, c'est l'amant et la femme qui sont surpris par le mari. Ensuite, il y a une autre scène qui est assez populaire dans l'art romain, qui met en scène donc un couple avec une femme qui fait le poirier, alors qu'un troisième personnage, très petit, avec des ailes dans le dos, vient tendre les bras pour pousser le derrière de monsieur de façon à faciliter l'action. Bien évidemment, nous ne sommes pas ni dans de l'érotisme ni dans de la pornographie, nous sommes dans du symbolique. Ces trois personnages n'ont aucune vocation à stimuler l'imaginaire. Ils sont là pour raconter une histoire qui, certes, nous échappe un peu. Néanmoins, avec beaucoup de pragmatisme ou d'intelligence, nous pourrons voir que ces trois personnages sont l'expression de la mythologie, d'une forme de mythologie. Les premiers chrétiens ont tenté, dès saint Paul, de montrer cette débauche du monde romain. L'Église, celle des siècles qui nous précèdent, a œuvré une censure terrible. Il faut évoquer alors les enfers du Vatican. Oui, bien sûr, dès le IVe siècle, cet art est enfermé, car il expose des nudités beaucoup trop explicites. Ensuite, il y a une autre forme de censure qui, elle, est plus politique. Elle va cacher ses textes. Et ces textes vont être transmis par l'action des moines copistes qui, eux, malheureusement, très souvent, vont un peu, je dirais, arranger les traductions. Cyril Dumas, tous les sexes du Vatican ont été, tous les phallus du moins, ont été enfermés dans une boîte, dans une armoire. Oui, j'en suis persuadé. Monsieur Lebel l'a vu de ses yeux. Je lui ai demandé confirmation. Et malheureusement, ses souvenirs étaient assez confus. Je pense que s'il ne l'a pas vu, il ne traduisait que la vérité. Il existe bien, et j'en suis persuadé, un tiroir avec tous ces phallus qui ont été arrachés à ces statues antiques. Donc on leur a mis quoi ? Des feuilles de vigne ? Oui, sauf un. Il s'agit, tenez-vous bien, du plus beau Priape de toute l'Antiquité qui est conservé, tenez-vous bien, dans les jardins du Vatican. Oui, c'est un homme qui a gardé toute sa virilité et qui donc, de par la force de son membre, soulève une corbeille de fruits et de légumes. Il n'a que l'extrémité du sexe qui est cachée par une toute petite feuille. Des enfers, il y en a aussi dans les musées. Oui, bien sûr. Chaque conservateur a l'obligation de valoriser ses collections. Malheureusement, il y a des pièces qui sont très difficiles. Comment les expliquer ? Ce n'est que depuis une dizaine d'années que l'on comprend comment on peut justement les sortir de ces boîtes et commencer à les expliquer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une double lecture. Et cette double lecture nécessite de la connaissance. Il ne faut surtout pas... une lecture au premier degré, et surtout pas la rapprocher trop rapidement de la littérature érotique antique qui existe, elle. Justement, au travers des poèmes érotiques, par exemple, de Catulle ou du Manifeste d'Aimée d'Ovide, les sources écrites sont-elles importantes pour comprendre l'érotisme antique, notamment romain ? Pour comprendre l'érotisme, oui. Pour comprendre l'art, non. L'érotisme est peut-être un sujet très difficile, très compliqué, qui a été très bien résumé par les travaux de Jacques Pigeot ou Pascal Quignard. Donc, on va juste revenir à l'art qui, lui, est plus empreint de culture. Il est là pour tout simplement véhiculer un message, et c'est la raison pour laquelle vous ne trouverez pas ni un catalogue de positions comparable au Kama Sutra, ni un catalogue destiné à émoustiller les sens, mais plus à des histoires qui sont identiques d'un bout à l'autre de l'Empire romain. Ce qui donc s'explique par soit le fait que nos artistes avaient très peu d'imagination, ce qui m'étonnerait, soit qu'ils avaient tout simplement une culture commune et une même et seule revendication, c'est-à-dire une référence à leur culture, à leur histoire contemporaine. Et donc du coup, ces histoires étaient connues de tout le monde. Comme par exemple cette fameuse scène de zoophilie qui met en scène une femme qui est en train de se reproduire avec un crocodile. Aujourd'hui, on sait que c'est une caricature de Cléopâtre. Restent les objets archéologiques trouvés dans des fouilles. Nombre auraient été détruits ou stockés dans le plus grand silence. En tout cas, très rarement publiés. C'est vrai. On trouve bon nombre de médaillons qui ont été débités très soigneusement pour en extraire uniquement le médaillon. Et dès le 18e jusqu'en 1980, on lit, tenez-vous bien, dans les rapports de fouilles, pièces écartées car contraires à la morale. Et ces objets ont fait, heureusement, l'objet d'un commerce parallèle et qui nous ont permis aujourd'hui de les retrouver dans les collections particulières. Par exemple, pour preuve, en 15 ans d'existence, l'INRAP n'a publié presque aucun objet hérétique. J'en connais un, grec, Massaliote, découvert il y a quelques années, mais il y en a très peu. C'est vrai. Ce ne sont pas les objets que l'on met en exergue lorsqu'on fait un rapport de fouille ou une publication, tout simplement parce qu'on manque de références ou d'explications. Ou alors, sinon, on tombe très rapidement dans la légèreté ou la grossièreté, ce qui est bien sûr à écarter en tout premier lieu. Ces objets, encore une fois, ne sont que le symbole d'une société extrêmement puritaine qui donc cautérise la licence en exploitant une forme d'humour assez grivois. Je vous l'accorde. Cyril Dumas, aujourd'hui, si l'archéologie n'évoque que très peu ou très rarement de telles découvertes, c'est très probablement par pudibonderie. On se souvient par exemple l'article de Pierre-Jean Trombetta qui s'était essayé avec plein d'humour et qui a eu visiblement le courroux de sa hiérarchie du ministère de la Culture. Effectivement, il me semble bien qu'il avait partagé cette idée, alors que c'est un des premiers articles qui m'a engagé dans cette recherche. Et il n'avait absolument rien dit d'offusquant, ni pour la morale, ni pour la science. Non. Le mot membre qu'il a touché, qu'il a osé toucher, évoquait encore une fois ses problèmes de religion et de superstition. Le sexe masculin, dans la Rome antique, n'a rien de grossier dans le sens pour la morale. Non. Il est grossier car il incarne la vulgarité, mais encore une fois, c'est un signe de religion ou de superstition. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Cyril Dumas, les archéologues seraient pudibonds ? Un peu, ou alors sinon ils ne savent pas comment aborder le sujet. À l'inverse, les archéologues ont-ils projeté leurs propres fantasmes ? Nombre cru voir dans leurs fouilles des vestiges de lupanars ? Oui, c'est vrai. Ça arrive souvent. Oui. Et c'est effectivement un vieux réflexe d'identifier immédiatement un lupanar par la présence d'un seul sexe masculin. Malheureusement, ce n'est pas un poteau indicateur de lupanar. Non, c'est un symbole religieux. Ce qui ne veut pas dire que l'on peut retrouver ce fameux sexe dans un lupanar. Mais on ne peut pas l'associer. Attention. Autrement, ça serait transformer n'importe quelle boutique et shop de Pompéi en lieu de plaisir, ce qui est totalement contradictoire par rapport à la société et à la morale et au droit. Attention. Donc, du coup, autant vous dire qu'il est effectivement délectable de lire dans quelques ouvrages, plus souvent des guides touristiques, heureusement, que tel ou tel lupanar se trouve dans tel ou un insulaire. Il y en a eu, par exemple, à Éphèse, en Turquie? Oui. Oui, alors, Éphèse, entre autres. Mais je pense que le plus drôle, c'est le phallus qui est taillé dans la chaussée de Pompéi, où chaque guide interpelle son groupe avec beaucoup d'humour pour montrer la direction du lupanar. Et après ce rire commun à tout le groupe, il l'enjoint, donc le guide enjoint d'aller se rendre sur place, mais dans la direction opposée. Dans l'ensemble de l'Empire et du monde romain, seul un lupanar a été mis en évidence, justement à Pompéi. C'est quand même pas beaucoup. Alors, pourquoi Pompéi? Tout simplement pour des questions de conservation exceptionnelles. Et ensuite, il faut avouer aussi parce que le propriétaire des lieux a demandé à l'architecte de dessiner un monument dédié uniquement à ce commerce. Donc là, effectivement, nous avons des cellules, les unes à côté des autres, qui sont destinées, effectivement, avec une banquette maçonnée, qui sont destinées donc à accueillir le commerce du charme. Maintenant, ce commerce du charme avait lieu dans n'importe quel estaminet, hein, je pense qu'il ne faut pas non plus réfuter à cette activité, mais ce n'était pas l'essentiel des plaisirs à Rome. Il faut rappeler qu'il s'agissait d'une activité réservée à la plèbe, à la petite société. Hein, on les retrouvait essentiellement donc dans des lieux fréquentés par les charretiers, hein, les conducteurs de bêtes, et c'est la raison pour laquelle on a trouvé par exemple une stèle où un voyageur se plaint avoir dépensé plus pour sa mule que pour la fille de l'étage. Pour l'archéologue, la découverte d'une représentation de phallus suffirait à prouver qu'il est assurément sur un lieu de plaisir. Mais ces phallus, il y en a absolument partout. Il y en a même sur le pont du Gard. Exact. Oui, de très beaux phallus. De très beaux phallus qui étaient destinés, encore une fois, à protéger soit le système d'irrigation qui permettait de fertiliser les terres, soit le voyageur qui était amené à traverser ce pont de jour et surtout de nuit. Et donc, on a invoqué, bien sûr, la protection de ce dieu, ou aussi, probablement, hein, bien sûr, protéger les différents commerçants qui allaient d'une contrée à l'autre et qui avaient, eux aussi, besoin d'être portés par de bonnes augures pour la réussite de leur commerce. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle que nous évoquons avec Cyril Dumas l'art érotique romain. Quoi qu'on l'en dise, les représentations érotiques romaines sont crues. Oui. Oui, car ce sont des sexes explicites. Maintenant, il faut savoir qu'il faut les décoder, les déchiffrer. J'ai une image qui me vient. Cette scène d'une femme à quatre pattes avec son amant qui catalyse, qui concentre toute l'action. Or, très souvent, le regardeur est concentré sur l'action. Malheureusement, il faudrait regarder 5 cm plus haut. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Un symbole romain beaucoup plus grossier, car là se trouve une main qui est brandie par la jeune femme, dans la main, on retrouve une lampe à huile. Je déconseille tous les auditeurs de reproduire cette position. Le sexe est-il une composante fondamentale de la société romaine? Une société où le péché serait inconnu? Alors, oui, c'est important tout simplement parce que derrière le sexe, il y a la reproduction. Et la reproduction permet de garantir la transmission du patrimoine. Maintenant, comme dit Pascal Clétiard, il y a bien sûr la lignée spermatique qui est très importante et qui se cache derrière cette transmission. Donc, il faut garantir la loyauté et la légitimité. C'est la raison pour laquelle les plaisirs à Rome étaient très encadrés. Autant aux jeunes, on pouvait proposer aux jeunes d'aller se faire l'expérience sur une courtisane, d'aller s'aguerrir auprès de femmes expérimentées. Or, il était strictement interdit d'aller séduire une femme mariée ou une jeune fille, car derrière cela se cachent des interdits. Tout d'abord, risquer de briser un mariage et ensuite de briser la légitimité d'une descendance. C'est la raison pour laquelle bon nombre de pères prodiguaient de bons conseils auprès de leurs fils d'aller se réfugier dans les bras d'une courtisane plutôt que dans ceux d'une femme mariée. Le plaisir, il est uniquement masculin. Effectivement, on est plus dans une société misogyne que phallocratique. Néanmoins, à travers là, on peut effectivement se retourner vers la littérature où les poèmes évoquent effectivement une réflexion qui propose à l'homme de regarder la femme autrement comme une génitrice. Elle aussi peut être douée de sentiments et de plaisirs, et très souvent, ses poèmes sont là pour stimuler cette envie de plaisir partagé. À Pompéi ou ailleurs, qui sont les commanditaires de ces œuvres ? C'est une question très difficile à répondre. On n'a plus les factures. Néanmoins, grâce au contexte archéologique, on s'aperçoit que cet art est présent dans des lieux qui sont à propriété de personnes aisées, qui font partie de l'administration, qui font partie du monde politique et qui sont les garants de la morale. Donc, il faut quand même regarder cet art avec, je dirais, circonspection. Il faut essayer de voir que cet art était exposé aux yeux de tous, il n'était pas caché. Et donc, derrière cette exposition ou surexposition, se profile, encore une fois, probablement une valeur prophylactique. C'est-à-dire que derrière le choc qui est donc de voir ce spectacle, se cache un message qu'on arrive des fois à traduire, et qui est là pour stimuler, encore une fois, un rire, un rictus. C'est le fameux fascinum qui paralyse d'horreur ? Oui, oui, oui. Bien sûr, le fascinum... Et qui est par essence donc vulgaire et hideux ? Tout à fait. Comme Priap ? Tout à fait. Le fascinum qui est destiné à écarter le mauvais sort, hein, qui est donc la fascination qui concentre, c'est donc l'expression donc, de Priap. Disons-le, Cyril Dumas, toutes ces images ne sont absolument pas pornographiques et n'en ont pas vocation. Elles ne sont pas pornographiques, ça, oui. D'une grossièreté, oui. Ça, certaines d'entre elles n'y échappent pas. Encore une fois, il faut avoir un regard sur l'ensemble de cet art et pas seulement en regarder une seule. Certes, il y avait certaines compositions qui ont été commanditées avec une volonté très personnelle de leur commanditaire. Néanmoins, c'est un art qui est destiné à transmettre un message qui répond à des valeurs communes. Ce n'est pas un art destiné à émoustiller les sens. Je pense à au groupe d'acrobates qui ont souvent été confondus avec une orgie. Non, non, ce sont deux hommes qui soutiennent un troisième, qui suspend son sexe au-dessus d'une femme. Non, bien sûr, il ne s'agit pas d'une scène à reproduire, ou en tout cas... Il y aura toujours un esprit retors pour me contredire. Néanmoins, dans une relation normale, face à l'histoire, attention, nous sommes face à une scène qui est dénuée de pornographie. Non, elle est là encore une fois pour transpirer un message dont le sens effectivement précis nous échappe. Il n'y a aucune représentation de Lupanar. Non, et non, non. Alors là, par contre, non. Autant la littérature là-dessus, oui, évoque ce lieu crasseux, sale, qui sent mauvais, qui est infesté par des petits animaux à quatre pattes comme à deux pattes, par la vermine ou par la plèbe. Malheureusement, dans l'art, on n'a aucune représentation de ce lieu infâme. Cyril Dumas, dites-moi tout sur la célèbre Stola. La Stola, la position que j'ai découvert. Ne vous effrayez pas, il s'agit tout simplement, encore une fois, d'un symbole qui sacralise, encore une fois, la matrone. Cette matrone qui doit protéger, bien sûr, son statut et qui sacralise la vertu, toutes les vertus. À l'extérieur de la maison, elle peut être la proie de séducteurs. Pour faire fuir d'éventuels hommes, elle a un symbole qui lui permet donc d'échapper à toute suspicion, c'est la stola. C'est une robe statutaire, blanche, longue, dont le port est interdit aux prostituées, aux courtisanes et aux femmes de mauvaise vie. Toute femme prise en faute en train de la porter peut être même lapidée. C'est une robe qui permet donc de protéger la matrone dans l'espace public et qui indique aux autres hommes qu'elle est prise et qu'elle protège sa fidélité et sa loyauté envers son mari. Mais là, elle n'est pas elle n'est pas en public. Alors, dans l'art, effectivement, on retrouve ce symbole, et c'est là toute la trivialité de la scène, c'est que son amant s'agrippe à cette robe avec fierté, la brandit comme s'il était fier de lui. Et là, bien sûr, on a un clin d'œil à la stola. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'il est en train de prendre en faute une femme qui est la déesse de la fécondité, de la fertilité. idéalisent, attention, hein, et surtout qui sacralisent toutes les vertus et toutes les qualités. Donc là, ce jeune homme se rit, se moque. Et c'est avec beaucoup de gouaille que cet art se caricature, cette femme et son statut. Plus tard que l'a dit, la femme ne doit pas exposer sa nudité à la lumière. Dans ce cas, pourquoi cette représentation de femme tenant une lampe à huile ? Alors, nous sommes dans la représentation de la philosophie romaine. C'est le mythe de Psyché qui apporte la lumière sur son amour, qui se transforme et disparaît. On apporte de la lumière sur quelque chose qui doit rester de l'ordre du secret, de choses qui doit rester de l'ordre de l'intime. Encore une fois, il n'y a qu'une seule femme qui peut se reproduire à la lumière du jour ou à la lumière d'une lampe à huile, ce sont les prostituées. Seule une femme de mauvaise vie peut s'emparer de ce symbole, et c'est toute l'originalité de cet art, où l'on retrouve systématiquement associé le coït avec ce symbole, soit brandi par cette femme, au risque de se brûler au troisième degré, soit de façon très symbolique, avec ce chandelier qui est posé juste à côté de l'action. C'est donc une sorte de critique sociale et une sorte de critique des élites. César et Cléopâtre, la reine Putain, ont ainsi aussi été très critiqués, notamment dans les textes. Oui. Alors, les textes sont très prolixes à ce sujet. Il y a beaucoup d'empereurs qui ont été donc considérés comme débauchés. Mais pour ma part, je considère que celui qui a été le plus débauché, c'est César. Pourquoi ? Car il a ramené une prostituée dans son lit, et pire, dans l'Empire, au sein même de Rome. Pour la société romaine, c'était un affront. Alors certes, chez elle, c'était une reine, même une déesse. Mais aux yeux de la société romaine, c'était une captive. C'était un trophée de guerre qui aurait dû rester tel quel. C'est-à-dire au rang d'un butin. Et non pas au rang d'une seconde épouse ou presque d'une impératrice, comme elle a été traitée. Pompéi fut-elle la capitale du vice antique pour vous, Cyril Dumas ? Non, malheureusement cette image lui est collée à cause de l'excellente conservation de l'art. On y trouve, comme je vous l'ai mentionné, on y trouve des phallus à tous les coins de rue, on y trouve bien sûr de très nombreuses fresques et de très nombreuses mosaïques. Et tous sont là pour montrer des sexes de façon très explicite. Et j'ai même eu l'occasion de découvrir des sexes cachés qui étaient inconnus, car pour les identifier, il faut connaître la typologie du sexe masculin dans la Rome antique, qui est passée du figuratif à l'abstrait. Rappelons que l'adultère était très puni, qu'Auguste punira sa fille Julia de ses dépravations notoires. C'est exact. Elle a été condamnée à l'exil, et les mœurs aussi, je dirais, en fait, c'est une sexualité statutaire, et plus on brigue un mandat politique, plus on brigue un statut important dans la société romaine, plus on doit être un modèle pour ses semblables. Et bien sûr, lorsque un mari prenait l'amant sur le fait, il avait le droit de le punir sans autre forme de procès. Cyril Dumas, merci beaucoup. Je rappelle que vous venez de publier un petit ouvrage, L'art érotique antique, fantasmes et idées reçues sur la morale romaine, aux éditions Bookie Book, que l'on peut aussi vous lire dans les dossiers de l'archéologie et archéologia, et notamment dans le numéro de juillet. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadja, avec la contribution de Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. Le Salon Noir, qui tire son nom de l'étroit boyau de la grotte de Nio, de la grande salle d'Herculanum, se referme pour faire place au programme d'été. Vanessa Nadjar, Catherine Donnet et moi-même aurons le plaisir de vous retrouver dès les premiers jours de septembre pour mieux plonger encore plus loin dans notre passé lointain.